Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec hier soir, financièrement, SADC Maria Chapdelaine. De revoir notre spécialiste, la référence pas mal du basket au Québec, Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny, comment ça va? Bien passé, bel été. Pascal, on s'était parlé lors de la transaction Isaiah Thomas contre Kyrie Irving. Donc, mais le reste a passé quand même un bel été? Okay. L'équipe nationale, fait que ça a été un été, comme d'habitude, j'ai un camp de 7 semaines sur la rive sud, qui était encore une année complète pendant 7 semaines, un camp de jour. Ok. Futur jeune joueur de basketball de 17 ans, fait que c'est pas mal de fun. Ok. Tu me connais, je m'amuse avec ça, puis. Ben oui. La NBA a commencé, fait que là, c'est parti. OK. Pascal, on va commencer avec la division Ouest. On va analyser les trois divisions de l'Ouest. Puis probablement même demain, je vais te refaire venir demain pour l'Est. Puis par la suite, ça ira au 15 jours comme on fait d'habitude. Donc, Pascal, on va y aller avec la division Pacifique. Les Clippers, les Lakers, Golden State. J'ai une défaite en passant. Sacramento et Phoenix qui sont là. Normalement, ça devrait être encore entre les Warriors et les Clippers. Ouais, ben écoute, on sait que les Warriors, même s'ils ont perdu leur premier match, je pense que l'année passée aussi, ils ont perdu leur premier match, on ne va pas s'inquiéter avec ça. Non, non. Ça a été une belle surprise pour Houston de voir qu'ils n'ont pas lâché dans ce match-là. Les deux matchs de la journée d'ouverture, en passant, c'est Cleveland venait par 18, ouais. Je pense que les Warriors, eux autres, venaient par presque une vingtaine de points. Puis l'équipe adverse est revenue. Du côté de Cleveland, on sait qu'ils ont gagné, mais du côté des Warriors, ça n'a pas été assez. Ils ont reçu leur bague de championnat. Donc, c'était la cérémonie, beaucoup d'émotions. Mais je pense que la NBA, cette année, il y a plusieurs équipes qui vont être capables de donner de la compétition aux Warriors. Ça ne sera pas... Un walk in the park. Exactement. Ça sera pas, on va pas leur donner la bannière tout de suite. Ils risquent d'aller la chercher, mais ça sera pas aussi facile que les gens peuvent le dire. Pour moi, okay. C'est une saison là, vraiment spectaculaire qui s'en vient. OK. Donc, Chris Boucher, tu fais de l'équipe? Oui, je pense. Hein? Ben, Chris Boucher signe un contrat. Ouais. Un contrat de two-way. Chris Boucher va se retrouver probablement, en ce moment, il est avec l'équipe de développement. La G-League. Exactement. Ouais. Ces contrats-là, ce que ça fait, c'est que ça garantit... ça garde le joueur aux États-Unis pendant la saison. Parce que faut pas se mentir, Chris Boucher ferait beaucoup plus d'argent s'il irait jouer en Europe, mais avec raison, il a signé ce contrat-là pour être supervisé, être tenu dans l'organisation des Warriors, en tout cas pour la saison qui s'en vient. Je pense qu'il y a 100 000 $ de garantie financièrement, c'est pas mauvais. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y avait une blessure, fait que Chris Boucher devrait revenir au jeu, probablement qu'il a déjà recommencé à jouer. Mais on est très fiers de lui. Oui, c'est de Montréal, là, c'est vraiment spectaculaire son cheminement. Jouer à Alma aussi, il ne faut pas l'oublier. Là. Alma avec Igor. Igor qui a fait un programme d'Alma qui est maintenant à Thetford Mines. Notre joueur d'Igor, un Français qui s'est joint à l'organisation d'Igor pendant 2 saisons, je me trompe, vient de signer avec les Suns de Phoenix en passant. OK. Donc, Golden State, ça va être intéressant d'avoir les Lakers. Lonzo Ball, le phénomène, c'est le père quasiment le plus phénomène encore que le joueur. Pas pour les mêmes raisons. Le phénomène de médias sociaux. Ouais, exactement. Ouais. Le jeune a quand même été repêché deuxième dans le dernier repêchage de la NBA. Donc, c'est quand même un gars qui sait jouer au basket. Mais ça va être le fun de voir ce qui va se passer. Moi, je pense que du côté de Los Angeles, la décision de Jenny Buss, celle qui s'occupe de l'organisation maintenant, qui a pris l'organisation depuis que son père est décédé, a décidé de ramener Magic Johnson comme directeur général. Et puis là, avec Lonzo Ball, je pense que du côté de Los Angeles, on est excité, on aime ce qui se passe. Mais en passant, il y a un jeune joueur qui s'appelle Kuzman, qui joue pour les Lakers, qui a connu une été assez spectaculaire. On parle beaucoup de Lonzo Ball, mais oublie pas ce jeune joueur-là des Lakers. Jouer dans l'été. Il a signé un contrat, il est avec l'équipe. Est-ce que les Lakers vont être capables de faire les séries? Ça a été garanti et promis par le père de Lonzo Ball. la commande est assez difficile, mais ça sera quand même une histoire à suivre. Pour ça, je te dis, avec, je pense qu'il y a 10 ou 12 ou 15 joueurs qui ont changé d'équipe, mais des joueurs de gros noms. Si on parle de, t'as mentionné Kyrie Irving, mais là, dans l'Ouest, on parle de Carmelo Anthony, on parle de Paul George, Chris Paul qui change d'équipe, Rudy Gay qui est rendu avec les Spurs. Écoute, il y a eu des bons changements. Je m'attends à voir des choses très, très intéressantes cette année. OK. Ball, ça peut-tu être dans les lignées des grands joueurs des Lakers de l'histoire, les Magic, les Kobe Bryant, les Will Chamberlain? C'est pas mal dans ces lignées-là. Il y a le potentiel, en tout cas, de pas atteindre ça. Ben, c'est très, très tôt pour le dire, mais c'est quand même un talent. Ouais. C'est un joueur, je pense, qui est assez unique par rapport à son approche. C'est un meneur d'à peu près 6 pieds 6, 6 pieds 7. Beaucoup de gens le comparent un peu à Jason Kidd. On questionne un peu son tir extérieur, mais faut pas oublier que l'année passée, à UCLA, à sa première année, je pense qu'il a fini premier ou deuxième dans les aides, dans tout le circuit universitaire. C'est un joueur spécial. Je pense que Magic Johnson, je vais aller avec son œil de recruteur et d'évaluateur de talent. Puis s'il est en amour avec Lonzo Ball, ben, je pense qu'il n'y a probablement pas tort. On a vu des belles choses cet été. C'est sûr que là, tous les joueurs de la NBA vont l'attaquer, plus à cause de son père qu'à cause de lui. Ben, gars, c'est incroyable. Mais c'est un jeune que je trouve très humble. Ah ouais. Je trouve les deux pieds sur la terre. Puis lui, je pense qu'il n'y a pas de problème à dealer avec le fait que son père, il parle beaucoup. Mais je pense qu'il va avoir une bonne saison. Moi, je m'attends à une très bonne saison. C'est pas juste Lonzo, là. Il y a le deuxième, puis ils sont trois, là. Puis le deuxième, on dit, je pense qu'il est aussi bon que Lonzo Ball, hein. Non. Le deuxième est à UCLA. C'est un joueur différent. Okay. Moi, je pense qu'il y en a un dans la famille. C'est déjà beau que t'aies un joueur de. Que t'aies un petit enfant qui fait la NBA. J'y souhaite pour lui, pour eux autres, mais moi, personnellement, je suis pas vendu sur le deuxième. OK, c'est le troisième que lui a fait 60 points dans la high school. Là. Ouais, mais c'est pas de la grosse compétition où il jouait. OK. Je suis pas convaincu. Puis là, tu sais, on parle de la NBA, mais à cause de Lonzo Ball, on parle LeVar Ball, on parle de ses fils. Ah. Le troisième, on a parlé qu'il jouerait peut-être, mais il joue même pas cette année au secondaire. OK. Il va juste s'entraîner. Moi, je pense pas qu'il va faire la NBA. Écoute, j'y souhaite. J'y souhaite, mais je pense pas. Je pense que le meilleur de la famille, c'est Lonzo Ball. Okay. Et puis on va juste continuer à suivre Lonzo Ball cette année. On discutera des autres frères. Ben oui! On adresse sud-ouest, c'est-à-dire Houston, Memphis, San Antonio, Dallas et Nouvelle-Orléans. Les Rockets devraient être là encore, devraient donner une bonne opposition aux mêmes Warriors. Est-ce que San Antonio, c'est San Antonio, hein? C'est toujours une équipe de preuve qui fait beaucoup preuve de régularité. Ça va jouer entre ces deux-là dans cette division-là? Je pense que tu as tout à fait raison. Ouais. Ça va être entre les Spurs entre les Spurs et les Rockets. Je pense pas que Dallas sont vraiment là. Non. Je pense que Nouvelle-Orléans, on doit garder un œil sur eux autres. Avec DeMarcus Cousins puis Anthony Davis qui selon moi, un des cinq meilleurs joueurs de la NBA en ce moment. Faut pas oublier les Pelicans, mais je pense que ça va jouer entre les Spurs et entre les Rockets. Ça va être intéressant de voir l'ajustement de Mike D'Antoni avec Chris Paul. Moi, je pense pas que Chris Paul, c'est son style de basketball de jouer avec les Rockets de Houston, avec James Harden qui domine le ballon. Puis Chris Paul, c'est pas un joueur qui prend 25-3 points par match. Ça sera intéressant de voir comment il va s'ajuster, mais c'est une équipe sur papier qui est vraiment spectaculaire. Ils ont quand même commencé la saison 2-0 en ce moment, en battant les Kings hier soir, puis en battant les Warriors chez eux. Donc, c'est pas un mauvais début de saison. Je pense que les Spurs, en ce moment, eux autres, où ils doivent... On attend le retour de Tony Parker, qui est encore blessé. Mais je pense que Tony Parker est plus vers la fin de sa carrière que le début. Manu Ginobili, ça risque d'être sa dernière saison, mais j'ai vu le match hier, Danny, il m'avait l'air en top shape pour un gars de 40 ans. C'était assez spectaculaire. Ouais. Et on a un jeune joueur qui s'appelle Murray, qui remplace Tony Parker dans les 5 partants. Ouais, lui, vraiment, c'est un joueur à surveiller. Et ben, en ce moment, on n'a pas de date précise du retour de Kawhi Leonard. OK, donc, ça, lui, c'est une grosse perte. Lui, c'est une grosse... L'ancien de San Diego State, c'est ça. Exactement. Ouais, OK. On va y aller maintenant avec la division donc du c'est la division oui, la division Nord-Ouest. Portland, Utah, Oklahoma City, Minnesota et Denver Nuggets. Moi, je m'attends, ben écoute, Oklahoma City, t'as Anthony, t'as Paul George, t'as Russell Westbrook. Mais est-ce que Minnesota pourrait faire les séries? C'est un bon bout de temps qu'il pourrait faire des séries, puis Andrew Wiggins a connu tout un camp d'entraînement, là. Minnesota, c'est une équipe avec intrigante. Absolument. Je pense que c'est l'année des Timberwolves de retourner dans les séries depuis l'année de Kevin Love ou de Kevin Garnett. Je pense que cette équipe-là, défensivement, Tom Thibodeau est un entraîneur très, très, très demandant physiquement au niveau de la défensive. Et je pense qu'avec ce qu'ils ont offensivement, avec Wiggins, que tu l'as mentionné, mais écoute, c'est une équipe là, avec Butler. Butler, c'est un joueur dans les meilleurs joueurs de la NBA en ce moment, offensivement, défensivement. La venue de Teague comme meneur, c'est une équipe très, très dangereuse. Tu peux pas dormir sur les Timberwolves. Tu peux pas marquer victoire facile ce soir contre les Timberwolves. C'est impossible. Mais je pense que cette conférence-là, faut pas oublier les Nuggets de Denver. Jamal Murray qui est dans le 5 partant. Ouais. Paul Millsap qui est vraiment un joueur là, qui est capable de faire 20-10 à tous les soirs que Atlanta a vraiment laissé aller. Donc, faut pas oublier que les Nuggets, c'est une équipe selon moi à surveiller. Les Jazz, mais on a perdu Gordon Hayward. Ça fait très mal. Moi, je m'attends. J'ai pas de grosses... Je pense même pas qu'ils vont faire les séries cette année, les Jazz de Utah. Et je pense que Oklahoma City, c'est l'équipe de cette conférence-là. C'est l'équipe ben de ouais. Jazz et les Warriors. Et Houston. Oui, mais je pense qu'Oklahoma City, Paul George et Westbrook, c'est des joueurs qu'on appelle qui jouent les deux côtés du terrain, offensivement, défensivement. Puis là, tu ajoutes Carmelo Anthony qui est un scoreur naturel. Ouais. Il reste 3 minutes, le match est serré, donne le ballon à Carmelo Anthony. Ça va être juste intéressant de voir la chimie entre ces joueurs-là dans cette équipe-là, parce qu'ils ont quand même Adams, qui est un centre de ses pieds. C'est une très bonne équipe. Donovan, un excellent entraîneur, qui est un des rares entraîneurs qui a fait de la transition entre le circuit universitaire et la NBA, parce que c'est pas évident de passer du circuit universitaire puis d'avoir du succès. Est arrivé dans la NBA puis continue à avoir du succès. Je pense que Donovan, c'est un des coachs qui a démontré qu'il est capable de faire cette différence-là. Donc, c'est une équipe, c'est vraiment une des meilleures équipes de la NBA selon moi, là, sur papier. Pascal, je veux t'entendre. En début de saison, Danny, c'est tout sur papier. Ben oui. Pascal, je veux t'entendre en terminant. J'en ai parlé avec Peter Yiannopoulos quand c'est arrivé de TSN Radio. Mais je veux avoir ton opinion sur le scandale qui a secoué la NCAA avec Louisville, Rich Pitino. Rich Pitino, c'est un des grands là, dans la NCAA là, avec John Wooden, avec Coach K, avec Bobby Knight. Là, toute l'histoire entourant Pitino, il va rester quoi, Pitino? Tu peux pas tout y enlever? Tu sais, il y a quelque part... C'est drôle parce que avant qu'on commence l'entrevue, j'écoutais sur ESPN une entrevue avec Rick Pitino, qui actionne l'Université de Louisville, qui nie avoir rien à se reprocher, qui dit qu'il n'était pas au courant de ce qui s'est passé. Non, ça, FBI, c'est pas vrai, ça, là. Quand le FBI, je te dis exactement... Non, mais c'est pas vrai qu'il y ait quelque part. Regarde donc, tout le monde le sait, là, qu'il... Quand le FBI l'a passé, le détecteur de mensonges, il était nerveux. Il dit que la seule personne à qui il doit répondre, c'est Dieu. Là, je t'explique l'entrevue que je viens juste de voir il y a quelques minutes. Là. Moi, on va te dire, Danny, mon opinion de cette histoire-là. Là. Pour moi, qui a connu la NCAA comme joueur, qui a suivi la NCAA avec plusieurs jeunes joueurs de Montréal que j'ai aidé à aller jouer là-bas, j'ai pas beaucoup de respect pour la NCAA, premièrement. Ben, c'est parce qu'à quelque part, c'est connu au basket, au football, encore plus au basket qu'il y a des universités. Laisse-moi finir. Cette année. Ouais. Okay, vas-y, excuse-moi. Pascal, on truc les notes pour faire rentrer des joueurs. Ça c'est déjà vu, ça, là. Dans l'NCAA, puis dans le football, puis même au basketball, peut-être même plus au basket. Tu es d'accord avec moi? Mais, non, je suis pas d'accord avec toi, parce que depuis les années 90, c'est plus les universités qui acceptent les athlètes. C'est un organisme. Ah, OK. OK. Mais ça, c'est déjà vu, par exemple. Oui, non, mais lorsque c'était l'université individuellement, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont capables de faire certaines choses. On est d'accord. Faut pas se mentir. Ouais. Moi, le problème que j'ai avec. C'est même pas une question académique. Là, avec Putino, on parle d'argent, on parle de prostituée. On parle de. Si t'as la chance de voir le film avec Denzel Washington, He Got Game, ça va t'expliquer c'est quoi la NCAA des années 70, 80, 90. Okay? Depuis les années 90, moi, j'ai des jeunes au collégial en ce moment, puis les critères pour être capable d'être admis au Clearinghouse, ça, c'est l'organisme central de la NCAA. Qui eux déterminent si tu es éligible ou non de jouer pour dans division 1 ou division 2 NCAA. Les critères sont très très difficiles, sont très stricts là. C'est pas facile, ça commence à partir du secondaire 3 pour un joueur québécois exemple. Les notes secondaire 3 et 4 sont évaluées. Le problème que j'ai, Danny, je vais te l'expliquer. Puis pas payer 2 milliards de revenus, je pense que l'année passée Duke après taxe là, a fait 12 ou 15 millions de dollars. Les joueurs sont pas payés. Ouais. Maintenant, explique-moi, puis je vais être honnête avec toi là. Demain matin, l'université X dit Pascal, on t'engage, on te donne un contrat de 5 ans de 4 millions. Puis j'ai 3 mauvaises saisons. Je sais que mon contrat va pas être renouvelé. On est d'accord avec ça? Ouais. Puis là, j'ai monsieur monsieur Y qui arrive qui dit Pascal, moi j'ai un joueur qui arrive d'Europe. Il veut venir jouer pour toi, qu'est-ce que tu m'offres? Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. Mais il faut arrêter les Américains, là, puis le règlement, puis le FBI, puis tout ça. Puis, écoute, en Europe, tu n'as jamais d'histoire d'agent, puis d'argent. Ouais. Parce qu'ils s'en foutent. Les agents, je donne toujours l'exemple, les agents de Ronaldo, un des propres. Je ne sais pas si tu viens de dire. Ronaldo. Ouais. Bon, ils ont signé un contrat. Il y a deux jeunes agents qui ont signé ce jeu quand il avait 10 ans. Puis ils ont payé, puis ils ont aidé sa mère, puis ils ont fait des affaires. La NCAA, elle est ridicule. Je vais te donner l'histoire rapide de Chris Porter qui jouait pour Auburn. Okay. Puis il y a un agent qui était voir Chris Porter, puis Chris Porter dit « Ah, je peux pas te parler, je peux pas... Ben, tu peux me parler, tout ça, parce que tu as le droit, mais tu peux pas signer de document avec moi, OK? » Puis il y a une fois, Chris Porter, il a appelé cet agent-là, il a dit « Écoute, ma mère, elle va se faire mettre dehors demain de sa maison parce qu'elle a pas payé le loyer, whatever. » L'agent a fait un transfert, il a donné l'argent à la maman, je pense qu'il a donné 2000 pièces pour une couple de mois pour qu'elle se remette sur pied. Ben la NCAA a enlevé la bourse de Chris Porter, il l'a mis dehors de l'université. Je veux dire, tu sais, je m'excuse, mais il y a juste aux États-Unis que tous les le top fait des millions là. C'est pas des contrats là. Quand ton entraîneur fait 1 million de dollars de salaire, attends-toi à ce qu'il y ait des situations peut-être un petit peu shaky. Fait, pour que Rick Pitino dise qu'il n'était pas au courant, tu n'étais peut-être pas au courant, mais tu devais t'en douter. Là. Mais là, c'est parce que tu ne voulais pas voir. Mais il va rester quoi? Mais pour revenir à Pitino, il va rester quoi de l'histoire? Est-ce que ça va entacher son... Ça va l'entacher où ça va parce que Whedon, tu sais, est-ce qu'il va rentrer dans un grain dans ma tête à moi, c'est dans 10 grains de l'histoire là, avec Whedon, puis ça va t'y enlever? Ouais. Pete Rose, comme Pete Rose, ça il y a un astérix à côté de son nom, malheureusement. OK. Qu'il soit acquitté, tout ça, il va tout. Et c'est pour ça, Danny, que je te dis, le problème que j'ai. Puis je vais te le dire, tu vas sourire, mais tu m'as peut-être déjà entendu dire ça. Paye le coach de football ou le coach de basket des universités américaines 1 $ de plus que le prof de mathématiques. Tu viens nettoyer le problème de la NCAA. La NCAA, c'est une ligue professionnelle au niveau du football et du basketball. Quand j'ai fait ma visite au Nebraska... en début des années 2000, parce que j'avais un jeune, Patrick Kabongo, qui jouait pour le Nebraska, j'étais faire ma visite. Écoute, c'est tabarouais. Ils ont peur à temps plein. Il y a une suite qui coûte 2 millions pour la saison. Il y a une cafétéria pour les athlètes. Il y a un gym de volleyball, un gym de basketball, une salle de musculation, pas pour les étudiants, mais pour les athlètes. Écoute, il y avait deux chefs à temps plein. Il y avait deux diététiciens. Écoute, c'est une business. C'est une ligue professionnelle. Puis Nebraska au basket, le programme n'est pas aussi fort que le football. J'ai resté au basket. Il y a plusieurs joueurs de NBA qui ont passé par l'Université de Nebraska au basketball aussi. OK, mais je vois pas. Ça, c'est que la NCAA, ce sont des hypocrites. Ben. Moi, j'ai moins de respect pour la NCAA et j'ai beaucoup plus de respect pour Rick Pitino. Puis pour moi, Rick Pitino, la stérix ne change pas que c'était un excellent entraîneur. Okay. Il a fait ce qu'il avait à faire pour être successful sur le terrain. Puis il a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'athlètes. À ce niveau-là, je m'excuse, mais je ne sais pas. Prends Rick Calipari de Kentucky. Il y a 3-4 programmes avant qu'il soit à Kentucky qui ont été en probation après qu'il ait quitté. Là. Tu comprends-tu? Ouais. Un joueur a pris de l'argent d'un agent. Puis c'est une énorme business, Danny. Moi, personnellement, là, je te donnerai pas de nom, mais moi, je l'ai vécu, ça. Je l'ai vu de mes yeux. Toute cette histoire-là. Pascal, on se reparle demain. On va faire deux en deux, parce que vu que la saison a commencé, demain, on parle de l'Est. Parfait. Le collaborateur Pascal Jobin.